an, en janvier 2016. Depuis plusieurs mois, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces danses et à soutenir le projet en m'envoyant des commentaires, des petits mots chaleureux et en postant des danses sur ma page. En janvier 2016, cela fera un an depuis les attentats de Charlie Hebdo et un an que je me suis engagée dans cet acte de résistance poétique qui consiste à agir au quotidien une présence sensible dans le monde. Tous les jours, je danse une minute et quelques, quels que soient les états et les lieux dans lesquels je me trouve, et je poste la danse en ligne le jour même. Je danse en intérieur ou en extérieur, dans des endroits publics ou privés, seul ou avec d'autres, des inconnus, des gens que je connais, ou parfois même des amis. Je danse comme on manifeste, comme une petite manif quotidienne, pour œuvrer à une poésie vivante. Et pour agir par le sensible contre la violence de certains aspects du monde. C'est la réponse que j'ai trouvée pour m'impliquer en acte, à ma mesure, dans une action réelle, répétée, qui puisse déplacer les lignes, faire basculer le plan ou osciller la norme. J'ai été également inspirée pour ce projet d'une phrase de Nietzsche qui est tirée de Ainsi parlait Zarathoustra et qui dit « Et que l'on estime perdu toute journée où l'on n'aura pas dansé au moins une fois ». Ça veut dire pour moi qu'il s'agit de vivre, qu'il s'agit de vivre en mouvement, de rester en mouvement. J'ai été également accompagnée dans l'élaboration de ce projet par un proverbe chinois. Goutte à goutte, l'eau finit par transpercer la pierre. Ça veut dire qu'une action minime et répétée peut finir par avoir un très grand effet. La goutte d'eau, ce sont mes danses, quotidiennes, interstitielles, sans armes ni boucliers. Et la pierre, c'est un certain durcissement du monde. Les communautarismes, les hiérarchies, le consumérisme, le dogmatisme, et aussi la désolidarisation avec la nature et le manque d'une dimension poétique active au quotidien. Alors pour moi, une minute de danse par jour, c'est un engagement esthétique, c'est-à-dire de la sensibilité, un engagement poétique, éthique, micropolitique et qui est radicale à la petite échelle qui est la mienne. Je continue à danser tous les jours en pensant à vous pour œuvrer à une place plus sensible dans le monde, pour qu'il y ait des circulations entre les cases, les catégories, les corps. Je fais le pari que c'est possible. Danser la vie qui passe et qui vibre dans les interstices du quotidien. Goutte à goutte, l'eau finit par transpercer la pierre. Micro-vers. Réfléchir, c'est de réussir sa vie, c'est d'en faire quelque chose qui soit beau, qui nous rende heureux, qui puisse, si possible, créer plutôt de l'harmonie, de la paix autour de nous, que de laisser un mauvais souvenir à tous ceux qui nous ont côtoyés. Donc, je crois que la question de la réussite d'une vie est essentielle, sauf qu'on ne nous donne pas forcément, ni dans la famille, ni à l'école, les instruments pour apprendre à vivre, c'est-à-dire comment faire avec notre complexité, notre corps, notre esprit, notre intelligence, les conflits intérieurs que l'on a, les contradictions. contradictions que nous avons, on a des pulsions, des passions, comment les gérer, etc. Donc tout ce que les anciens appelaient la sagesse, c'est-à-dire la connaissance de soi et le travail sur soi, n'est plus du tout enseigné aujourd'hui. D'où d'ailleurs le retour d'un intérêt fort pour les philosophes grecs qui avaient cette conception profonde de l'art de vivre. Le symptôme de cette crise, ce qu'on appelle la crise du sens, la crise d'orientation et l'expression, c'est que nous n'avons plus de culture du quotidien. C'est que les gens ne sont plus chez eux dans leur vie, ils ne sont plus chez eux dans le monde qu'ils habitent, ils ne sont plus chez eux dans leur travail, ils ne sont chez eux nulle part. Et contre cela, le mouvement écologiste est une des principales formes de rébellion. Le mouvement écologiste est avant tout un mouvement des gens pour se réapproprier leur vie et leur milieu de vie et pouvoir le soumettre à leurs propres décisions, à s'en rendre maître de nouveau. Une politique écologique est nécessairement une politique anticapitaliste. Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas, j'y suis André Gorce, un penseur pour le 21e siècle avec Christophe Fourel. Flight number 2, arriving from New York. Je n'ai pas les moyens constitutionnels, si vous voulez, psychiques, spirituels, je n'ai pas les moyens pour avoir une volonté de puissance. Sauf le pouvoir que vous donne la contestation. J'estime d'ailleurs que le rôle des intellectuels, au sens traditionnel du terme, pas au sens que ça a pris d'aujourd'hui, que la mission des intellectuels, c'est de contester. Le radicalisme dans la pensée consiste dans la contestation radicale. Mais la contestation radicale a besoin de critères. Dans cet extrait, on a à la fois une question et une réponse. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas entendu cette voix plus souvent ? Mais on a la réponse, parce que peut-être trop contestataire et trop radical. Cette voix, c'est celle d'André Gorce, qui est un journaliste et philosophe, penseur pour le 21e siècle. C'est le titre d'un livre que vous avez dirigé, Christophe Fourel, et qui nous donne l'occasion d'évoquer cet homme, ce penseur, et sa pensée. André Gorce est lié à l'idée d'écologie politique. Il a développé cette idée d'écologie politique. Sa pensée ne se résume pas à ça, mais c'est quand même ce qui est attaché à son nom. Ce qui est lié à son nom, c'est l'écologie politique. Comment, la question la plus difficile pour commencer, comment vous situez André Gorce dans le paysage intellectuel général ? Écoutez, je crois qu'il a une place à part. Je crois que vos propos liminaires l'illustrent assez bien. André Gorce est un personnage dans la pensée intellectuelle et européenne, pas seulement française, est un personnage à part parce qu'il a lui-même un itinéraire tout à fait hors norme. André Gorce, vous avez dit qu'il était philosophe tout à l'heure, mais c'est un autodidacte. C'est quelqu'un qui a élaboré une pensée tout à fait originale, qui certes a un écho pas immédiat, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui est systématiquement été branché sur l'actualité, mais je crois que sa pensée inspire de nombreuses personnes, et en particulier aujourd'hui la pensée des écologistes. On peut dire qu'il est un inspirateur de l'écologie politique, ou un père spirituel de l'écologie politique, parce qu'il a mis en avant à quel point notre système économique était antinomique avec l'écologie politique. Il est venu à l'écologie politique par la critique de la société de consommation, et ce, dès le début des années 60. Ayant compris que la solution de vos problèmes existentiels ne sont jamais en vous-même, dans le remaniement de vous-même, mais dans le dépassement de vous-même dans une action qui soit reconnaissable par les autres, c'est-à-dire qui laisse des traces objectives. Les questions que je me suis posées étaient des questions, mettons, éthico-politiques. J'ai commencé à m'expliquer avec Marx et le marxisme. Et c'est l'ouvrage suivant, qui s'appelait « La morale de l'histoire », qui n'est pas très bon, mais qui contient de bonnes choses, en particulier des morceaux de théorie de l'aliénation, l'aliénation dans la consommation, dans le travail, bien sûr, et l'aliénation par la rationalité économique. Ce livre, il a eu des lecteurs chez les étudiants communistes. Mais j'avais toujours été lié à l'extrême-gauche, mais à l'extrême-gauche insoumise, c'est-à-dire non-conformiste, qui n'aimait pas ce dogmatisme du Parti communiste français. Non, je ne pouvais pas m'entendre avec un parti, mais j'estimais encore à l'époque que le Parti communiste français, ça valait rien, mais qu'il fallait changer. Moi donc, j'étais quelqu'un qui estimait que le marxisme et la problématique de l'exploitation dans le marxisme étaient une fausse piste, et que le radicalisme ouvrier, que le radicalisme subversif contestataire, était une question d'oppression et d'aliénation beaucoup plus que d'exploitation économique. Ça, c'était la thèse que j'avais défendue dans ce livre. Mais c'est des choses qu'on trouve chez Marx. Certes, c'est important. Les questions salariales, les questions de redistribution, de la plus-value, de lutte contre l'exploitation et ses méthodes. Mais si le mouvement ouvrier devient hégémonique, ça ne sera pas à cause de ça. S'il devient hégémonique, ce sera parce qu'il sera porteur d'une idée et d'une pratique d'émancipation des gens de toutes les formes d'oppression, d'humiliation, d'instrumentalisation et de mutilation que leur impose la division du travail, la technicisation et l'expropriation dont ils sont l'objet, l'impossibilité de se reconnaître en tant qu'agent dans cette pratique qu'est le travail. Premièrement, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de produire comme nous produisons? Et deuxièmement, est-il vraiment nécessaire de produire ce que nous produisons? Un nouveau micro ouvert avec ici en face de moi un monsieur qui s'appelle Mourad Boussif. Enchanté Mourad Boussif. Bonjour Graziella. Content d'être ici au Vendôme. Et voilà, donc juste après la sortie du film, donc Les Hommes d'Argile. Allez, on va essayer de si tu es d'accord, évidemment, parce qu'on a le temps, on a 45 minutes pour vraiment faire ta rencontre. Mais comment commencerait Mourad Boussif? En tout cas, moi, c'est du pur hasard, mais on peut le dire quand même, on s'est croisé dans des études sociales à Bruxelles, où tu n'étais pas trop en classe, en fait, normal, tu étais occupé à faire des films, à faire ton premier film d'ailleurs, peut-être. C'était Kamel. Quelle année ça? Oh là là, ça remonte un petit peu longtemps, ça. C'est vrai, tu as raison. J'ai terminé mes études sur de très nombreuses années, parce que c'est vrai que c'est fou, ça, que en parallèle, comme ça, il y avait des bébés, voilà, qui étaient en train de naître, et donc voilà, donc. Et alors justement ici on vient de le tout dernier, donc le temps de gestation a été assez important, donc c'est un assez long voyage. Mais voilà. Mais si tu veux bien recite, donc il y a ton premier film, c'est Kamel. Explique le sujet en quelques lignes. Bah, Kamel, c'était important de. Il partait à la suite d'une malheureusement d'un drame, donc d'un jeune ado qui fréquentait une structure associative, dont moi j'étais animateur, et donc on a retrouvé un jour le jeune mort d'une overdose. Donc du coup, voilà, c'est parti donc dans l'émotion. Et puis ça a donné donc un moyen métrage d'1h10, voilà, qui circule encore aujourd'hui, qui est un film assez dense, assez important, un docu-fiction, voilà, qui est vraiment dans la peau, dans les tripes d'un jeune qui a un monde extraordinaire autour de lui et qui malheureusement sombre dans une très longue descente aux enfers. Et donc voilà, donc ça c'est un peu ce film là puis ensuite j'ai travaillé sur un autre qui est Au-delà de Gibraltar, qui revisitait un petit peu, qui rendait hommage à l'apport de l'immigration durant les années 60, donc l'appel aux main-d'œuvre au Maghreb notamment, et à travers donc le regard d'un jeune issu de la deuxième génération. Donc voilà, donc et puis ces rencontres avec ces anciens combattants dans les années 2000, des personnages assez extraordinaires, vraiment hors du commun, de vrais météorites. Et donc voilà, c'est comme ça que des histoires terribles, en plus des destinées, mais vraiment à la fois très belles mais très dures. Et voilà, c'est comme ça que deux films sont nés. Donc d'abord un documentaire, La couleur du sacrifice en 2006, un témoignage très fort, donc dimension historique assez brute, comme ça, assez fort, assez dense. Et puis il fallait aller un peu plus loin parce que c'était pas suffisant probablement, et notamment peut-être toucher un plus large public. C'est comme ça que donc Les Hommes d'Argile sont nés, et puis surtout avec une envie de préserver la dimension de ces êtres, de ces personnages un peu hors du commun. Donc il faut savoir qu'à l'époque, donc la France a enrôlé dans ses colonies, donc pour combattre le nazisme, il n'y avait pas assez d'hommes, et donc ils n'ont pas hésité à aller chercher vraiment des gamins qui vivaient en parfaite harmonie avec la faune, la flore, donc dans des villages très très reculés, et voilà, c'est vraiment des personnages assez forts, et pour moi c'était important de faire partager un petit peu les trésors que ces hommes aujourd'hui, ces vétérans qui nous ont tous quittés malheureusement, eh bien ont eu la chance, nous ont donné le privilège de nous ont transmis, donc vraiment vraiment ce sont des personnages qui avaient une beauté intérieure extraordinaire. C'est comme ça que Les Hommes d'Argile sont nés, et alors Les Hommes d'Argile, c'est pas un film de guerre, c'est plutôt un film sur la condition humaine. Voilà, on s'intéresse à des hommes avec notamment leur beauté, leur fragilité, leur vulnérabilité. Quand tu dis que c'est pas un film de guerre, c'est quand même un film de guerre. Oui. Mais disons que c'est pas ça la clé du film, quoi. C'est mais plus, on, c'est parce plus que une toile de fond, c'est plus. Oui, la guerre, sert comme toile de fond. C'est quand même des gens qui se font buter. C'est quand même, il y a quand même du sang. Il y a quand même l'idée de mettre en première ligne des gens qui n'ont rien à voir. C'est quand même dangereux. Enfin, c'est quand même la mort au bout. Hein. Enfin, moi, j'ai vu le film là maintenant. D'abord, je me dis que la guerre, mais c'est vraiment une notion, mais des plus folles. C'est vraiment fou, quoi, hein, d'enrôler comme ça des gens qui à la base ne sont pas concernés. Oui, en plus, à la base, ils ne sont pas concernés, mais même une guerre comme ça, à la base, c'est très absurde. Hein. Il y a une scène que j'adore dans le film, que j'avais déjà lue dans des bouquins. Enfin, j'ai déjà vu cette scène-là, genre un Allemand et un Marocain qui se regardent, ils sont super proches l'un de l'autre, et ils ont chacun une arme, et qui va tirer le premier, quoi. Enfin, c'est une scène assez forte, et il y en a un des deux qui sourit, Hein, c'est ça. Oui, il y a ces deux gamins qui ne se connaissent pas, qui ont un peu le même profil, mais voilà, qui viennent de différents mondes. Et probablement, voilà, qui se sont chacun retrouvés dans cette guerre, donc qui ne les concernait pas, bien évidemment. Et voilà, et puis, il y a un moment donné, voilà, il se passe quelque chose d'assez fort, c'est une étincelle où on a l'impression que la guerre s'arrête, il y a le monde qui s'arrête, le monde qui reprend son souffle. Et voilà, c'est un petit instant assez dense, très bien interprété, en plus, je trouve, avec les deux comédiens. Et voilà, puis malheureusement, la réalité reprend vite le dessus. Et voilà, parce que l'homme, malheureusement, a une phase lunaire et solaire, et sa phase lunaire, malheureusement, reprend souvent le dessus, surtout s'il n'est pas conscient qu'il doit travailler voilà, quotidiennement ses profondeurs sacrées, ses certitudes. Et voilà, le film il est plutôt là, c'est vraiment un travail sur, je le disais, la condition humaine. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une forme de on prend le pouls un peu du monde, voilà, on essaie de sentir ce souffle intérieur que vit chacun de nous. Une forme de radioscopie modeste. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on donne aussi quelques pistes. Il y a notamment quelques pistes comme certains personnages très particuliers, très mystiques, comme le vieil homme notamment, voilà, ou le personnage de Suleiman aussi. Enfin, chacun porte comme ça une forme d'énigme, chacun a quelques pièces du puzzle un petit peu, comme la jeune fille, comme le lieutenant Laurent, comme Suleiman, comme le vieil homme. Le vieil homme qui a peut-être beaucoup plus de clés en main. Et voilà, voilà, sans vouloir trop divulguer, donner trop d'éléments aux auditeurs qui n'ont pas encore vu le film. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est une note d'espoir, même s'il part d'un moment assez triste et sombre du dernier siècle. En tout cas, je pense que c'était vraiment un film basé sur l'espoir et puis la beauté du monde, je veux dire, parce que voilà... L'aventure humaine, elle est magnifique, mais elle est très compliquée, elle est assez complexe. Et comment alors, si j'ai bien compris, donc il y a le film, donc il y a la couleur du sacrifice, qui est là plus une fiction, et juste avant, il y a... C'est comment le nom du... Au-delà de Gibraltar. Au-delà de Gibraltar, non. Non, avant, c'est un documentaire que tu as fait juste avant celui-ci. La couleur du sacrifice. Ah voilà, je confonds les deux. Il y a la couleur du sacrifice qui est plus un docu, et là, les hommes d'argile qui est plus une fiction, alors, mais un peu sur le même sujet alors. Tout à fait. Donc il y a le documentaire, c'est vraiment la dimension historique. Donc on revisite toute la Seconde Guerre mondiale à travers donc le regard de ces personnages, de ces hommes venus d'ailleurs. Donc on en apprend énormément et on comprend... beaucoup mieux un petit peu. Il permet notamment de mieux décoder le contexte actuel aussi. On comprend aussi pourquoi aujourd'hui la diversité culturelle est assez importante sur le sol européen. Il y a vraiment, c'est un sujet extrêmement important. Et c'est pas surprenant si c'est assez difficile de travailler sur ces thématiques. Et explique-nous, enfin, justement, la sortie du documentaire, ça donne quoi, en fait? Il y a combien d'années qu'il est sorti, là, maintenant? Il est sorti en 2006. Bon, déjà, impossible de le financer. Donc, pas moyen de trouver des fonds au sein du service public. Ça, c'est une chose. Et puis, même après, quand vous arrivez avec une copie zéro, c'est-à-dire avec le film en main, quand vous allez le proposer en salle, parce qu'il faisait quand même 1h21, donc c'était un long métrage, et on était convaincus, vu la pertinence et la densité du film, qui pouvait sortir en salle et toucher un large public. Très difficile à trouver des salles. Pour finir, il est quand même sorti sur 5 salles en Belgique. Il a cartonné. Rien qu'à Bruxelles, il a fait 14 000 entrées sur une copie, en plus avec des horaires pas très bons, pas très faibles, enfin je veux dire très tard, ou enfin, des sales horaires. Et du coup, mais voilà, mais c'est un film... Par contre, aucun diffuseur, très très difficile de trouver des télévisions et des distributeurs dans d'autres pays. certainement en France. Donc voilà, parce que voilà, c'est un film qui dérange et qui revisite notamment une période assez sombre, notamment la période coloniale. Donc voilà, alors c'est vrai que même ici en Belgique, la Belgique n'est pas directement concernée. Mais voilà, mais je pense que chaque nation, chaque pays a encore difficile à revoir son passé, dont notamment la Belgique. Donc du coup, voilà, chacun a un intérêt à ne pas trop ouvrir le couvercle. C'est un peu comme la boîte au Pandore. Et c'est triste, et puis surtout c'est scandaleux, parce que je veux dire qu'on ne pourra jamais avancer vers un monde plus juste et égalitaire si on n'est pas capable de reconnaître les blessures qui peinent à cicatriser. Et donc, pour qu'elles cicatrisent, il faut d'abord les reconnaître, et puis ensuite les soigner, pour qu'elles puissent guérir. Et justement, si nous, on ne le fait pas, nous, c'est-à-dire ceux qui ont ces compétences, ceux qui ont des compétences, enfin ceux qui ont les responsabilités, notamment des compétences dans ces domaines, notamment comme l'enseignement, la culture, les affaires patriotiques, enfin, toutes ces compétences qui sont concernées, bien, malheureusement, vous aurez à un moment donné des gamins qui découvriront cette histoire, et malheureusement, peut-être pas nécessairement avec un cadre. Et du coup, ça les remontera beaucoup plus. Et du coup, ça pourra encourager beaucoup plus la frustration et par conséquent, aller vers des formes peut-être de dérive. Si on le voit actuellement, ce que ça peut amener chez certains gamins, des gamins qui sont complètement déboussolés et qui passent comme ça à des actes qui sont terribles. Donc voilà, donc d'où l'intérêt, bien évidemment. C'est pour ça que je travaille sur cette question. Et puis pour rebondir un petit peu sur nos fameuses études, moi, j'ai commencé. Vous peut-être préciser quoi comme étude, hein? C'était quoi? C'était éducateur spécialisé. Maintenant, c'est devenu psychosocial. Ce sont des études psychosociales, donc assez riches, que j'encourage, qui sont assez intéressantes, parce qu'en plus, c'est donné par des profs de terrain, tout ça. Mais ce que j'ai envie de dire surtout, c'est que moi, j'ai commencé dans le social, et puis j'ai très vite compris que, en tant que travailleur de terrain, la définition d'un travailleur de première ligne, on va dire. Moi, en tout cas, celle que j'avais à l'époque, ma définition, c'est-à-dire, en tout cas, moi, les objectifs que je me donnais, je n'arrivais plus à y répondre. Et ce qu'on me demandait de faire ne correspondait plus à moi, mes objectifs, mes finalités. Mais Mourad, c'est trop flou ce que tu dis. Il faut rentrer un petit peu, enfin, je trouve, moi, j'aime bien que les gens parlent un petit peu du... Ça sinon, ça explique, mais brièvement, tu peux vite rentrer... C'est très simple, c'est que... Quand tu es en première ligne, comme ça, tu as un pouvoir qui a tendance à t'imposer une certaine politique de travail qui est de maintenir la paix sociale. Et donc, par conséquent, ne pas travailler sur un travail d'émancipation, d'esprit critique. Moi, ça m'intéresse pas ça m'intéressait pas à l'époque de faire un travail occupationnel. Et malheureusement, et encore aujourd'hui, c'est comme ça. Parce que c'est plus intéressant, et c'est partout comme ça, de façon générale, d'occuper les gens et pas de les faire réfléchir, de les émanciper, de leur donner des outils de réflexion pour qu'ils puissent avancer, s'émanciper, progresser dans la vie. Et donc il y a une forme de paternalisme latent qui est toujours omniprésent. Et moi, ça ne m'intéressait pas. Et c'est comme ça que j'ai bifurqué à un moment donné vers l'artistique, parce que j'ai pu trouver plus de réponses à ce que j'attendais. Mais dis-moi, Mourad Boussif, vous êtes, je te vois, c'est marrant, Mourad Boussif, vous êtes un peu masochiste, puisque vous faites un documentaire La couleur du sacrifice qui a dur à se faire. Et puis ensuite, vous relancez la chose en fiction maintenant. Des batailles. Deux batailles. Non, il faut être un peu fou. C'est vrai que c'est ça que peut-être qui est un peu chouette, qui est assez chouette, c'est que pour finir, je pense que depuis l'arrivée du rationalisme de Descartes, notamment, je pense qu'on a tendance à tout rationaliser, à tout rendre maîtrisable. C'est bien, ça a amené la science avec toutes les avancées qu'on connaît. Mais le double tranchant, c'est que au niveau du sensible, au rapport au sensible, à la sensibilité, on a perdu énormément. Et du coup, on va vers comme ça une forme de rationalisme glacial de plus en plus, l'individualisme, vraiment tout ça piloté par une forme de capitalisme féroce. Et par conséquent, quand on prend comme ça des décisions, quelle que soit dans la sphère où on exerce, on rationalise tellement que pour finir, on ne fait plus rien. Et donc, on calcule les risques, on se dit « Oh non, non, je ne peux pas, ce n'est pas possible. » Et là, c'est vrai qu'on est parti comme ça, avec quelques amis, dans une forme de délire. C'est vrai qu'il fallait être complètement givré, fou, pour partir dans un film de guerre, de reconstitution, quand aucun cinéaste ou producteur ne l'a fait en Belgique. Et en Europe, il y a très peu de films de guerre, tout simplement parce que ça coûte très cher. Et alors, et en plus, quand on sait très très bien, il ne faut pas avoir fait des études de sociologie pour se rendre compte que ce sont des réseaux, ce sont des familles, et qu'on ne s'improvise pas comme producteur de gros films, de grosses productions. Donc voilà, donc c'est clair qu'on avait tous les... Plus en plus, un troisième paramètre qui est le sujet hypersensible. Donc du coup, c'est clair que... Et un quatrième paramètre aussi qu'on pourrait rajouter, c'est que quand vous venez des quartiers populaires, notamment comme de Molenbeek, vous êtes un cinéaste de la diversité, cette étiquette, elle vous colle jusqu'à votre mort. Même dans votre tombe, elle vous collera à vie. Impossible de se découvrir. J'espère que non. Honnêtement, si, malheureusement, c'est... Bon, vous ne me verrez jamais sur un plateau de télé pour parler du cinéma belge, pour représenter le cinéma belge ou quoi. On ne sait jamais, Mourad. Attends, quoi. On ne sait pas ce qui peut se passer dans une conjoncture. Ça ferait bien, peut-être, à un moment donné. On ne sait pas comment les choses peuvent se passer. On n'est pas... Il faut toujours espérer quelque chose, quand même, moi, je pense. Si, non, je suis quelqu'un de réaliste, hein, sinon on ne travaillera pas sur des sujets pareils, mais en tout cas, c'est clair que le contexte il est encore assez hostile et qu'il y a encore beaucoup de travail. Mais voilà, mais en tout cas, c'est clair que je pense que cette dose de folie est indispensable, sinon on ne fait rien dans tous les choix qu'on mène dans la vie d'ailleurs. Et donc voilà, et puis c'est seulement après qu'il faut rationaliser. Bon, après on réalise que c'était un peu compliqué, mais bon, voilà, c'est pour ça que peut-être qu'on met plus de temps, mais ça a beaucoup plus de mérite, parce que c'est dans la difficulté et la douleur, et je dis ça vraiment avec force, la difficulté et la douleur vous poussent à être beaucoup plus créatif, beaucoup plus... Si. Ah, moi j'ai déjà eu des discussions là-dessus, moi je pense qu'il ne faut pas forcément avoir mal... C'est pas ça que je dis. Je dis pas qu'il faut être maso. Non, ce que je dis, c'est que il faut bien évidemment chercher chercher les brèches et tout ça. Mais par moment, il faut passer par des chemins très étroits et très difficiles, qui sont non praticables. Et par conséquent, il va falloir souffrir. J'ai une parabole comme ça qui me vient souvent à l'esprit d'ailleurs et qui colle un peu à ce qu'on dit maintenant. C'est que c'est comme si vous étiez comme ça en train de tirer une locomotive avec de nombreux wagons, et c'est l'Orient Express, hein, donc ce sont des très longues distances. Hein. Et puis à un moment donné, vous vous rendez compte que là-bas, il y a un tournant et qu'il n'y a plus les rails. Avec les rails, ici, il y a un truc qui s'affaisse un peu. Et par conséquent, il faut pour que et là, on descend en plusieurs, et parfois, vous êtes seul à... Alors, parfois, on vous suit, et c'est votre dos qui va servir de rail. Et parfois, vous êtes seul. Et voilà, c'est une métaphore un peu particulière, mais je trouve qu'il symbolise un petit peu la difficulté, voire la douleur qu'on peut porter par moment. Et c'est vrai qu'on a, ça a été très très difficile. Mais voilà, mais peut-être les plus belles choses naissent dans la douleur. À voir ça, hein, c'est un long. À voir, j'en sais rien. Je me réfugie. De toute façon, je ne dis pas qu'il faut chercher cela, qu'il faut. Je dis simplement, c'est que il y a des moments, des passages qui sont inévitables. Et ça. C'est beaucoup plus, bénéfique de traverser des moments pareils parce que d'office, vous en ressortez beaucoup plus grand. Et ce qui en ressortira, surtout si vous arrivez à retrouver d'autres compagnons de route qui sont aussi sensibles que vous, du coup, vous rassemblez, vous multipliez un petit peu. Donc, honnêtement, parce que le contraire, c'est le confort, le luxe. Le confort, le luxe n'amène pas nécessairement la créativité. Enfin, là-dessus, on se fait une petite parenthèse, j'ai envie de réagir, mais je trouve que moi, ce que j'entends, c'est genre, on va pas abandonner tout de suite parce que c'est difficile. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Après, je pense pas que les projets sont forcément les plus beaux dans la douleur, quoi. Moi, je pense pas ça, en fait. Je pense que, par exemple, si imaginons que t'aies les moyens pour faire des films, Mourad. Eh bien, ce serait... Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir mal. Enfin, moi, non. De mon côté, je pense aussi à cette image judéo-chrétienne du, du, du Christ qui est mort sur la croix. Tu sais, cette image, même aux petits-enfants, qui, ça, c'est qui ça là-haut sur sa croix? Ben, c'est Jésus, il a souffert pour nous. C'est pas vraiment une belle image de vie, là, tu vois. Mais par contre, ça me parle de dire que c'est pas parce qu'il y a un problème qu'on va tout de suite arrêter. Enfin, moi, ton combat, waouh, quoi. 10 années pour faire un film. C'est ça que j'avais envie de poser comme question. Mais c'est hallucinant comment... Comment tu fais 10 années pour faire un film? Comment au bout d'un moment t'en as pas marre? Comment au bout d'un moment tu te dis mais je suis con? Comment au bout d'un moment t'as envie de passer à autre chose? Enfin, explique-moi un peu comment ça se passe, quoi. 10 années, quoi, pour... parce que j'ai vu que tu produisais le film aussi avec une dame, Valérie, je sais plus son... Comment tu dis? Vanessa Brichot, tout à fait, Vanessa Brichot. Et donc, oui, non, c'est psychologiquement, c'est très dur, et puis... Puis parfois tu t'enlises, parfois tu n'avances pas, parce que c'est vraiment des mondes très hermétiques, très figés, où les producteurs, les distributeurs ont généralement tout cadenassé. La chambre des producteurs verrouille tout dans chaque pays. En clair, tu ne t'improvises pas producteur. Réalisateur, c'est déjà très difficile, mais alors encore plus producteur, parce qu'il y a des enjeux financiers très importants. C'est super chouette d'entendre enfin une parole comme ça, parce que c'est tellement, on en parle tellement peu, je trouve. Oui, c'est une langue de bois, ça, bien évidemment, ça, on ne va pas en parler. Et les producteurs, tu les entends jamais parce que voilà, ils se gavent, et c'est eux qui prennent le pactole du service public généralement, en plus. Non seulement au service public, et en plus après, ils sont payés par les entrées en salle, les télévisions. Donc du coup, ils sont blindés. Mmh. Mais comme ils sont blindés, ils arrivent à légiférer sur, voilà, sur des dispositifs qui fait que tu ne rentres pas, tu peux pas rentrer. Et donc c'est pour ça que nous on a fait ce film avec rien du tout. Si on compare nos films avec des comédies légères, mais tu peux même pas. Nous c'est à 1/20 du budget d'une comédie bidon contemporaine avec 3 comédiens. Non mais c'est vrai. Ou les gars en huis clos dans une pièce là, tu vois, en train de c'est horrible. En train de quoi, Mourad? Non, quand même, non, je restais correct. Bon, c'est déjà assez compliqué comme ça, j'ai déjà assez de dossiers qui passent à la trappe, alors... Mais quoi, tu disais que tu avais trouvé producteur, et en fait, ce producteur voulait changer un peu la ligne, ta ligne directrice. Mais les en gros, les producteurs, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent faire de l'argent très vite en investissant peu. Donc la comédie légère s'y prête. Ça, c'est une chose. Deuxième chose... Quand il s'agit de parler de diversité culturelle, c'est intéressant, puisqu'aujourd'hui on est dans la diversité culturelle. Mais comment on va la traiter? Depuis longtemps déjà, on est dans la diversité. Oui, évidemment. Oui, non, c'est pas d'aujourd'hui, ça c'est clair. Aujourd'hui, c'est chaud. On réalise. Oui, non. Et puis surtout, c'est chaud. Mais justement, mais c'est chaud pourquoi? Mais parce que c'est plus intéressant. C'est plus intéressant. Est-ce que c'est intéressant de montrer des beaux Africains? Des beaux Arabes, des gens qui ont une spiritualité, qui ont des valeurs, qui ont des choses à nous apprendre, des trésors à nous faire partager, des gens qui sont venus donner leur vie quand à la base c'était pas la leur. C'est une histoire extraordinaire quand même. Il y a un côté christique, missionnaire, un peu fou hein, dans cette histoire. Ils se font coloniser, on les prend de force et ils vont se battre. Ils défendent l'occupant. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Hein. Et donc, moi, c'est ça qui m'a fort interpellé. Donc, il y a vraiment quelque chose il y a une intelligence, une forme d'intelligence assez extrême au niveau irrationnel. On n'est pas dans le rationnel. Dans le rationnel, on se dit, c'est des fous. Et donc c'est un sujet extrêmement fort. Et il y en a plein, comme ça, tu vois, mais ça ne vend pas parce que ça va faire des vagues, ça va susciter des questions. Et puis surtout, les producteurs, ils ne veulent pas se mettre à dos des élus ou voilà, des gouvernements. Ils veulent l'argent facile. Et surtout vite fait bien fait, pas dépenser, on dépense peu pour gagner plus. Et voilà. Et alors en plus, ça c'est la petite parenthèse, la petite cerise sur le gâteau, c'est que la diversité culturelle, il faut surfer sur les peurs, c'est ce qui cartonne aujourd'hui. Ça c'est bingo, ça tu arrives à, généralement tu peux aller dans les très grandes compétitions, tu peux assurer tes arrières pendant plusieurs années avec un film, si tu arrives à mettre à déposer dans ton scénario tu veux une petite recette, un petit peu des ingrédients qui fonctionnent bien aujourd'hui. Ouais. Bah écoute, on a fait une petite parodie il n'y a pas longtemps. Là. On va la mettre sur le net d'ailleurs, La famille de Marlouf. 5 minutes d'une bande-annonce imaginaire qui sortira d'un film. Donc on joue le jeu que moi j'ai craqué, tu vois. Donc voilà, j'ai envie d'avoir une belle voiture, une belle maison. Donc du coup, j'ai cédé, tu vois. Et alors, donc il y a ce film imaginaire qui va sortir, tu vois, 5 minutes. Et là, tu as le papa qui a une grande barbe et qui est méchant et qui tabasse sa femme, qui est dans la cuisine en train de faire la vaisselle, qui est comme une sourde et muette, quoi, qui ne parle pas, soumise, là, tu vois, avec un foulard qu'on voit à peine son visage. Et alors il sort la ceinture, il la tabasse, tu vois, et puis elle a des bleus partout. Et quand elle continue à faire la vaisselle avec plein de bleus, dans le couloir, tu as le grand frère, donc avec Jamal Tahiri ici. Donc c'est tous nos comédiens. C'est marrant, c'était un soir, on en avait marre, on dit, ils veulent des clichés, on va le faire, avec toute l'équipe de comédiens et techniciens. Pendant 2 heures, ça a duré, on a fait ce film. Et puis tu as un de nos comédiens, Jamal Tahiri, voilà, qui envoie des jeunes, il va envoyer son frère dans des camps de santé en Afghanistan, tu vois, dans des camps d'entraînement, piste de santé, tu vois. Bon, des trucs d'Al-Qaïda, là, tu vois, donc... Et alors, il fait passer plein de jeunes du quartier, puis le frère, c'est un toxico, tu vois, qui se défonce toute la journée, et la fille, elle est toute jeune, elle veut porter le voile, c'est le père, il la force. Et puis la petite cerise sur le gâteau, ça marche assez bien pour l'instant, ça a la cote, c'est l'excision, si tu arrives à mettre ça dans ton scénario. Là, tu peux facilement aller à Hollywood, tu peux aller vraiment, tu peux traverser l'Atlantique, voilà, tu peux avoir 10 années de... Tu peux être à l'aise pendant 10 années facilement. Donc voilà, donc... C'est quelques ingrédients. Je donne à bon, ceux qui veulent prendre ça, donc qui veulent. Et quoi, il y a moyen de voir ça où? Parce que tu dis que c'est un petit clip, quoi. Le film, je pense, il devrait peut-être pas tarder. Je pense un film pareil. Nous, on a la famille Marlouf, hein, on va le mettre sur le net. Donc pour l'instant, on va le sortir. Donc, il n'est pas encore diffusé. Non, il n'est pas encore sorti. Il n'est pas encore diffusé. Il n'est pas encore en salle. Hein. Donc il est en montage, il est en post-production. Voilà, on rigole un petit peu avec ça, mais malheureusement, c'est une triste réalité. Et ça cartonne, ce type de... Les exemples sont assez nombreux. Donc voilà, par contre, si toi, tu veux maintenant venir avec un sujet d'utilité publique, de vraiment de rencontres interculturelles, d'éducation permanente, tu vois, de réflexion, si tu veux vraiment échanger des questions philosophiques, des questions de société, ça, c'est du luxe. Ça rapporte... c'est pas sexy, c'est pas séduisant, ça. Mais c'est à ce point-là... Moi, j'ai encore la naïveté de croire qu'il y a quand même... Mais ouais, mais c'est fou, quoi. Mais pourtant... On a pris un frigo ici, putain, excusez-nous. Oh, il y a du jus. Et ça, c'est le bruit, c'est le bruit du frigo. Oui, regarde, des verres de champagne. Allez, on se sert... Ouais, on se serve... ici, hein. Allez. Bon, il faudra censurer, hein, si Peggy nous entend, la directrice. Peggy, excuse-nous, mais on a trop soif. On se prend un petit verre de jus d'orange. Mais oui, moi je disais que j'ai encore la naïveté de croire, mais pourtant, bon, bah, toi t'es dans le milieu, on va dire ça comme ça, t'es dans le circuit, mais ouais, c'est quoi comment ça se fait que même le milieu associatif, bah, toi alors on va dire que tu fais plus du cinéma associatif, quoi, alors c'est ça, tu te débrouilles avec... Militant engagé, oui, écoute... Indépendant, tu disais c'est aussi. Un glaçon. C'est une blague. C'est un réfrigérateur, quoi, et celui-là. Ou bien ils sont là depuis tellement longtemps qu'ils sont devenus un peu bizarres, quoi. On va le laisser là, on va le laisser fondre, comme il fait chaud en plus. Il n'y a pas de la flotte, non. Non, malheureusement, ce sont des tristes réalités. C'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Mais regarde la façon dont les multimédias, je dis bien les multimédias, ont traité l'information ces dernières semaines. C'est assez intéressant. À quel sujet, là, tu parles? De quel sujet tu parles? Ben, voilà, par rapport à l'actualité à Paris, notamment, tu vois, avec ces attentats, regarde comment, je veux dire, les raccourcis, déviations, comment la classe politique, les médias, tous, comment ils ont dévié, mais c'est horrible, horrible, horrible, et dans tous les pays, ça a été même outre-Atlantique, regarde l'autre imbécile, ce qu'il a été dire, futur président, là, c'est horrible, c'est un monde, et je le disais tout à l'heure, nous, notre film est sorti pendant ce temps-là, et donc et on voulait proposer une autre image. Il est sorti le 17 novembre, si oui, je me... Hein, c'était juste... les attentats, le 15. C'est combien? Le 15. Oui, voilà. Petite erreur à souligner, ce n'est pas le 15 novembre qu'il y a eu les attentats, mais le vendredi 13 novembre. Voilà, la date fatidique. Ceci dit, ça ne change rien à notre propos. C'est juste une histoire de jour. Et donc, on a souffert parce que tout était fermé. C'était l'état de siège ici et tout ça pendant une bonne semaine. Enfin, plus, mais en tout cas, le cinéma était fermé une petite semaine. Et on a proposé aux médias de montrer une autre image des quartiers populaires, de la diversité culturelle. Logiquement, un journaliste qui a un minimum d'honnêteté intellectuelle, il devrait saisir l'opportunité, tu vois, de contrer l'état de siège à Molenbeek, tu vois. Bah, surtout de montrer ce qu'il existe, hein. ça existe, vous êtes là, quoi, c'est tout, oui. Point. Hein. C'est pas une dynamique anecdote, enfin tu vois, c'est quand même une chose, le seul film de guerre qui vient de Molenbeek. Le réal, la prod, les comédiens, les techniciens sont de Molenbeek, c'est quand même extraordinaire. On a même tourné à Molenbeek aussi. C'est quand même quelque chose de fort, tu vois. Et je peux te certifier, avec nos deux attachés de presse, nous avons essayé donc de le proposer, notamment avec des partenaires à nous de la presse, en com, enfin, je veux dire, qui font partie de la sortie officielle du film. Et carrément, on te le disait presque comme ça. Tu le sentais que l'actualité était trop chaude, qu'il fallait couvrir l'actualité. C'est à peine si on te disait, écoute, c'est plus vendable. Tu sentais ça, que c'était, il fallait couvrir l'événement. Donc on voit bien que tous les médias, tous confondus, ils sont dans une forme de concurrence. Et le profit voilà, joue. Et comme il y a cette concurrence assez féroce, du coup, les patrons, voilà, qui sont des vrais businessmen, bien évidemment, ne prennent pas de risques. Et donc, ils tapent sur la tête de chacun. Et du coup, chacun doit ramener et vendre les images. Comment on vend des images ? Ben, on ne vend pas en parlant, voilà, de l'apport, de la diversité culturelle, enfin, tu vois, de la rencontre interculturelle. Nous, on avait fait un communiqué de presse 2-3 jours après les attentats. Il y avait une rencontre interculturelle et interreligieuse à Molenbeek avec tous les cultes. Il y avait 150 personnes à quelques mètres de la place Saint-Jean-Baptiste de Molenbeek. Donc l'état de siège, tout le monde traversait les blindés, c'était horrible. Avec des enfants en plus, c'était horrible. Des mitrailleuses comme ça et tout. Et nous, on avait appelé tous les médias et tout ça. C'était à quelques mètres. Et ils auraient pu là aussi montrer une autre image, tu vois, de cette rencontre interculturelle. Et il s'avérait que ça tombait pendant le même jour de calendrier. Aucun journaliste. Et à un moment donné, on s'est posé la question, et c'est moi qui ai fait la proposition, et on était à deux doigts de le faire, je te le certifie. C'était comme ils cherchaient ces gars-là un peu partout, c'était à la grande craque. Moi, je voulais appeler Belga Presse et leur dire qu'il y avait un gars qui était réfugié chez nous à la mosquée, dans une mosquée. Et donc, on voulait attirer tous les journalistes, et là, on les aurait enfermés, et là, on les aurait forcés à faire un sujet sur cette rencontre. On a beaucoup réfléchi, éthiquement, bon, il y en a qui n'étaient pas très chauds, tout ça. Moi, personnellement, je l'aurais fait, parce que je trouve que voilà, tu dois passer vers, comme ça, des formes de transgression saine, de tricherie juste, parce que... Oui, parce que, voilà, parce que le système, les mécanismes font appel à des pratiques qui sont limite criminelles. Quand tu incites à la haine, c'est une forme de criminalité. Je suis désolé. Tu incites quand des médias ou des politiques, tu vois, des élus, des ministres, tu vois, portent des propos, je veux dire, tels qu'on a entendu dernièrement, c'est pas normal, tu vois. Je pense que notre système démocratique, il est malade, tu vois. C'est pas possible. Puis en plus, on ne peut pas donner des dotations publiques à des partis, à des élus qui sont racistes et qui encouragent qui incitent à la haine, tu vois. Donc malheureusement, le monde va très très mal. Et puis quand en plus on ne soutient pas les artistes, c'est que vraiment le monde va très très mal. Et là, pour l'instant, on n'est pas en train de soutenir les artistes. Au contraire, on leur demande de soutenir ces mécanismes qui encouragent la manipulation, la supercherie, surfer sur les peurs, tout ça pour des fins notamment électoralistes, financières. Un peu dur tout ça. Ah oui, mais c'est une certaine réalité. Maintenant, il faut essayer de... Quand je dis c'est une certaine réalité, ça veut dire que justement on est dans un monde complètement fou où il y aurait plus qu'une lunette, tu vois, la pensée unique. Et justement, je trouve que le combat aujourd'hui, maintenant, ça devient clair. Il faut vraiment prendre position, quoi. Voilà, il faut vraiment prendre position. Et évidemment, ça fait peur. Évidemment, ça bouge à nos certitudes. Évidemment, on aimerait bien être tranquille. Tu vois, ça va. Je ne sais pas ce que ça va faire, mais ça. Mais on retombe un petit peu dans le voilà par rapport. Au sujet du film, c'est que voilà, c'est un peu les mêmes schémas, c'est-à-dire que l'être humain, voilà, dès ses premiers jours, voilà, doit être capable de pouvoir, doit impérativement travailler sur lui-même si il veut espérer que cette grande aventure humaine puisse fonctionner. Par définition, c'est comme ça. Parce que l'être humain, il a ces deux phases. Et donc, par conséquent, voilà. Alors, nous, on a, dans le film ici, on a mis l'accent notamment sur cette phase solaire, par contre, cette beauté en lui qu'il peut avoir. Donc, moi, je crois personnellement, je crois en l'être humain. Et je pense que sa phase solaire est beaucoup plus forte que sa phase lunaire. Lunaire qui a des cycles, qui peut être très, très négatif et néfaste. Mais je suis convaincu, et on le voit dans le film, et d'ailleurs à travers tous nos personnages, parce qu'ils sont tous vulnérables, y compris le commandant Blanchard, qui est le plus dur, qui est un peu le garant de cette grande machine de guerre. Mais malgré ça, à un moment donné, il est vulnérable. Quand il part, on sent une petite brèche modeste. On ne pouvait pas aller plus loin, parce que c'était compliqué vis-à-vis du personnage, parce que lui, bon, c'est son rôle. Mais en tout cas, même lui, et c'est certainement la première victime de cette grande machine de guerre. Et donc, et voilà, et c'est ce vieil homme qui nous propose, voilà, qui nous donne quelques clés, qui nous dit probablement de... Oui, voilà, de peut-être de se dénuder, d'aller chercher un petit peu ce rapport à l'essentiel. Et voilà, donc... bois un petit coup, là, Mourad. Oui. Regarde une fois la date de, pour voir si c'est un jus récent. Ben, comme oui. Ça, ça fait une petite intrigue ici au niveau... Oui, je ne sais pas si je le laisserai. Hein. Non, c'est 2003. Ah non, excuse-moi. C'est ça. Bien que réaliser des films, c'est très très compliqué, très difficile, et puis trouver des espaces de diffusion, ça l'est encore plus. Et donc voilà, c'est important de choisir un petit peu chacun ses types de consommation, et notamment au niveau culturel. Donc par conséquent, quand il y a comme ça des œuvres, des travaux qui sortent, qui arrivent à sortir, qui passent entre les mailles du filet, ben, moi j'encourage à les soutenir, parce que il y a des enjeux à les soutenir, par rapport à ces œuvres et le contenu qu'elles peuvent porter, mais notamment par rapport à toutes les autres qui pourraient suivre. Et donc voilà, donc ici, nous, bien évidemment, on encourage tous les auditeurs à aller voir ce film, à s'intéresser, donc à liker notre page. Donc si vous rentrez sur Facebook, tout simplement la page Les Hommes d'Argile Film, Les Hommes d'Argile et Film juste à côté, vous rentrez sur notre page. On a un site internet aussi, Les Hommes d'Argile, www.leshommesd'argile.eu. Et donc, voilà, donc à liker tout ce que vous pouvez. Voilà, donc je pense que, on en parlait tout à l'heure, je crois qu'il va falloir, on est en train de trouver des canaux alternatifs. Et par rapport notamment à tous les quel que soit, je veux dire, par rapport au maillon de la chaîne, le maillon de la chaîne, je veux dire, par rapport à toutes les phases de conception. Je veux dire, je pense qu'il faut vraiment qu'on repense un petit peu tout, parce que le système est plutôt hostile et plutôt très très très très inquiétant, plus qu'inquiétant, alarmant. Et donc voilà, et la culture joue un rôle très très important, et le seul garant de la culture, c'est l'art, c'est l'artistique. L'art, c'est le bras armé de la culture. Et je le disais, si on touche aux artistes, la société, c'est que la société est menacée, et on le voit dans certains pays, je veux dire les dérives que ça peut amener. Donc attention, on a quand même certains acquis sociaux, c'est pas encore le top, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail encore ici, mais par rapport à d'autres pays, on a quand même certains acquis sociaux, acquis, je parle de façon large, mais qu'on est en train de perdre. Et donc là, les artistes peuvent vraiment jouer un rôle, mais vraiment crucial, et de tout temps, ils l'ont prouvé, et donc c'est important de les soutenir. Donc nous, on vous invite, notamment dans l'immédiat, à aller voir ce film et à soutenir donc, Les Hommes d'Argile. .eu, c'est ça que tu as dit? Oui, tout à fait. Dire quoi, Europe? Oui, Europe, oui. C'est parce que l'autre était pris .com, je ne sais pas pourquoi, donc on a pris .eu, c'est assez rare, mais... Donc voilà. Et Mourad, dernière petite question comme ça pour boucler la chose, parce que c'est la vie quelque part, mais as-tu des enfants? Oui, tout à fait. J'ai une fille et deux garçons. Et de quel âge, genre? 18 ans, ma fille, et alors deux garçons, un de 15 ans et un de 10 ans. Ils sont en pleine forme et ils sont magnifiques. Et ils ont un âge déjà où ils peuvent comprendre les choses, quoi. Du coup, comment est-ce que tu vois le futur, la vie, demain, avec ton film, avec tout ce qui se propage un peu dans notre système, là? Comment est-ce que tu vois le futur, tiens Belle question, c'est une belle question pour terminer. Tu veux pas qu'on prend un petit jus avant de boucler? Bah oui, tu veux? Allez. C'est une question qui, à première vue, paraît comme ça très difficile à répondre, mais. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que, par exemple, si tu vois aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui, donc tu avais 109 personnes, apparemment c'était full, et deux tiers étaient issus de la jeunesse, hein. donc beaucoup d'ados, et même une grande partie enfants, pré-ados. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est de voir un petit peu l'émotion, que la densité qui ressort de ces publics. Et on a fait une dizaine de matinées scolaires, avec des moyennes de 200 à 300 élèves à chaque fois. Et une matinée scolaire à Liège a eu lieu il y a 3 semaines. C'est une qui nous a le plus marqué, mais toutes les autres aussi, mais surtout celle-là. Et c'était... alors on était avec des stagiaires, on était à plusieurs, et certains avaient des clichés, des préjugés, parce qu'on allait rencontrer l'enseignement spécial, une grande partie, professionnel et technique. Il y avait 250 personnes, plus ou moins. On est arrivé, alors... les derniers arrivaient, donc c'est un petit peu de bruit, c'est normal, il y avait 250 personnes, c'est énorme. Et puis le film a commencé, comme c'est un film avec du contemplatif, hein, c'est pas un film d'action ou quoi, donc c'est quand même un film plus difficile pour des jeunes qui n'ont pas l'habitude, en tout cas c'est un film très pointu quand même. Hein. Et donc je m'inquiétais un peu, et on est resté on a vu toute la séance, on voulait savoir. Il y a eu une émotion, un silence, mais criant, mais extraordinaire. Je te jure, Graziella, mais ça nous a bouleversés. Avec en plus, tu avais plus de la moitié qui était du cycle spécial, mais niveau 1, donc tu vois, vraiment, c'est important, tu vois. Et puis il y a les échanges, et j'avais pas dit que les comédiens étaient là. Et puis j'annonce que les comédiens sont là. Enfin, je leur demande s'ils veulent qu'ils soient là. Ouais, tout le monde dit ouais, on veut les comédiens, tout. Et puis ils arrivent. Et ils étaient très nombreux, un peu comme aujourd'hui, et les principaux. Et les larmes aux yeux, mais extraordinaires. On a parlé pendant une heure. On était là à 9 heures. Ensuite, une heure de débat. Et on est resté presque 3 heures dans les couloirs du cinéma. On est parti à 3h30 de l'après-midi. Et on a failli aller à l'école avec eux. Impossible de partir. Mais je te jure, impossible! Des photos, mais ah, non plus finir, des trucs extraordinaires. Et voilà. Et donc là, je trouve que bah, la réponse est là. C'est que, tu sais, la pertinence, je veux dire, quand tu vois des gamins comme ça qui sont complètement bouleversés, et complètement secoués par rapport, voilà, par rapport à des fragments de vie, tu vois, c'est quelque chose de très fort, donc ça prouve que c'est possible. Mais voilà, maintenant, à quel prix? Il va falloir traverser les vents et marées, il va falloir vraiment, c'est au rapport de force, c'est au forceps, c'est triste à dire, mais c'est comme ça, parce qu'on vit dans un monde inégalitaire, de plus en plus féroce. Je suis optimiste, je suis réaliste, hein, je ne suis pas pessimiste, sinon je ne penserais pas comme ça. Je tournerais le dos si j'étais pessimiste. Mais c'est bien de le savoir. Et malheureusement, tous les mécanismes ne sont pas épargnés, dont notamment le social. Dans le social, le travail social sera inégalitaire. Dans la santé, le travail social sera inégalitaire. C'est les plus grands sociologues qui le disent, c'est pas moi. Tu le sais, on l'a vu à travers nos cours. C'est bien de le savoir, c'est que c'est un monde où le plus grand, il écrase le plus petit. Maintenant, il faut composer avec ça. Et à l'intérieur de ça, essayer de gagner quelques batailles. Et je pense que, et je suis convaincu qu'on peut, ici, on a eu la preuve encore. Et donc, oui, je crois qu'il faut multiplier ces batailles, et surtout pas capituler. Maintenant, il faut des rapports de force, et puis il faut surtout que chacun travaille sur soi-même. C'est un peu la force de ce film. C'est quand on en ressort, qu'est-ce qu'on se dit? Ben, il faut participer, il faut contribuer. Et pas capituler, et pas laisser la place, voilà, à des gens mal intentionnés qui veulent massacrer la planète. Donc c'est à chacun de se sentir responsable et d'agir. Et de trouver, de développer des synergies, des canaux alternatifs, des réseaux. Et heureusement, de ce côté-là, je veux dire, on a des possibilités, notamment avec la technologie qui se démocratise, tout ça, contrairement à avant, tout ça. Et voilà, et puis les réseaux sociaux et tout ça. Donc je pense qu'on a vraiment, on a des outils... Mais je veux dire, mais l'aventure humaine, elle est encore à concevoir, elle n'est pas encore, elle n'est pas toute faite.